coule sans bruit dans les couloirs de nos vies. Des histoires au goût de miel. À regarder un coin du ciel. Je cherche la voie lactée, la route aux lumières dorées. Je remplis mes poches, ma vieille sacoche, de fleurs et de parfums, de souvenirs en parchemin. Et si je croise au carrefour le chemin de l'amour, je gâterai tes yeux et mes larmes pour nous deux. Pour nous deux.